Les informations sud-coréennes annoncent que le paquebot Sewol, qui avait fait naufrage et qui a été noyé dans la mer pendant 3 ans à cause de l'empêchement de Bakune et de sa bande, a été relevé avant d'arriver au port de Morpon le 31 mars. Le 2 avril, d'innombrables gens s'y sont rendus pour chérir le souvenir des victimes et ont réclamé de retrouver le plus tôt possible les restes des cadavres et d'éclaircir les dessous de la catastrophe. D'autre part, à l'occasion de l'entrée du paquebot au port de Morpon, les porte-parole du Parti démocrate de Boulon, du Parti du peuple et du Parti juste ont souligné la nécessité de l'enquête ouverte. Ils ont demandé au comité d'enquête sur la coque de procéder à l'enquête stricte et prompte.